4, 8, 6, tu me reçois. Vous pouvez pas fermer les grands comptes pour s'emmerder. Plutôt, mais arrêtez de faire la gueule quand vous êtes dans le métro ou dans la rue.